Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 10. De la science bienheureuse de l'âme du Christ. L'âme du Christ ne comprenait pas le Verbe, qui est infini, ce qu'elle a connu en lui, perfection avec laquelle elle voyait l'essence divine. 1. L'âme du Christ comprenait-elle le Verbe ou l'essence divine? La nature divine et la nature humaine, unies sans confusion dans la personne du Christ, ont conservé leurs propriétés respectives, l'incréé est demeuré incréé, et le créé est resté dans les limites de la créature. Or il ne se peut pas qu'une créature comprenne l'essence divine. L'infini ne saurait être renfermé dans le fini, par conséquent, l'âme du Christ ne comprenait ni le Verbe ni l'essence divine. Note. Elle voyait l'essence divine, sans la comprendre parfaitement, car la nature humaine n'embrasse pas toute la vertu divine, si l'on dit quelquefois que le Fils de l'homme comprend l'essence divine. On doit entendre que c'est en vertu de sa nature divine. Fin de la note. 2. L'âme du Christ connaissait-elle tout dans le Verbe? L'âme du Christ, qui voyait le Verbe plus parfaitement que toute autre intelligence bienheureuse, connaissait en lui toutes les choses présentes, passées et futures. Elle savait tout ce qui a été fait, dit ou penser à toutes les époques, en sorte que ses paroles, il savait bien ce qui était dans l'homme, Jean 2, 25, peuvent être entendues non seulement de la science divine du Verbe, mais encore de la lumière que son âme puisait dans le Verbe. Cela devait être, puisque, comme fils de l'homme, il a été établi juge de toutes les pensées des hommes. Son âme, cependant, ne connaissait pas dans le Verbe tout ce qui est possible à Dieu. Une telle science équivaudrait à comprendre la puissance infinie. Elle a connu seulement dans le Verbe la nature de tous les êtres créés et tout ce qui relève de leur puissance. 3. L'âme du Christ connaissait-elle les infinis dans le Verbe? L'âme du Christ ne connaissait point d'infinis actuels parmi les créatures, il n'en existe pas. Prenez tous les êtres sans exception, ils formeront toujours un nombre déterminé, mais elle connaissait, non par la science de vision, mais par une science en quelque sorte de simple intelligence, des infinis en puissance. Note. Dieu seul est absolument infini. L'âme du Christ atteint cet infini absolu, mais sans le comprendre, elle comprend seulement l'infini qui est en puissance dans les créatures, en tant que certains attributs peuvent être affirmés d'une infinité d'individus. Fin de la note. 4. L'âme du Christ voyait-elle l'essence divine plus clairement que toute autre créature? Dieu, dit saint Paul, a placé le Christ à sa droite dans le ciel, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute vertu, de toute domination et de tout ce qui porte un nom, soit dans le siècle présent, soit dans le siècle futur. Éphésiens 1, 20. Il résulte de là que l'âme du Christ jouissait de la vue de Dieu dans un degré plus parfait que les anges eux-mêmes. Unie au Verbe plus étroitement qu'aucune autre créature, elle recevait, en effet, avec plus d'abondance que tout autre, la lumière dans laquelle le Verbe lui-même contemple l'essence divine. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.